La statue d'Apollon par Paul Sonias. Périclès, chef du peuple d'Athènes et protecteur des lettres et des arts, était mort de la peste. Il laissait à la cité les prodiges que des architectes bâtisseurs de temples et des statuaires créateurs de dieux avaient taillés en plein marbre pour les mettre, comme une couronne merveilleuse, sur le fond de l'acropole. On admirait surtout les œuvres de Phidias, le plus grand, le plus noble des statuaires athéniens. Il avait fouillé de son ciseau les frises du Parthénon toutes peuplées de centaures, de héros combattants et de chevaux cabrés. Il avait taillé la colossale image de Zeus, père des dieux, et aussi celle de Pallas Athénée, debout, coiffée du casque, porteuse du bouclier, les deux seins couverts de l'égide et la main droite dressant dans le ciel bleu la lance d'or. Mais avec le naïf orgueil et l'imprudence des artistes, il avait ciselé sur le bouclier de la déesse sa propre image. Il n'en fallut pas davantage pour motiver contre lui la grave accusation d'impiété. Il jugea prudent de fuir sans attendre le jugement et prit à toutes jambes la route de l'exil, allant chercher refuge à Élis, où il traîna dans le découragement les dernières années de sa vie. Il venait de rendre l'âme quand les chefs du peuple de Thèbes, en Béotie, songèrent à faire appel à son génie et surtout à son désintéressement pour élever à peu de frais dans leur cité la statue de Phébus Apollon, dieu du soleil et maître du Parnasse. Louable désir, puisque la montagne sacrée, séjour d'Apollon et des muses, est précisément située en Béotie. Thèbes devait donc posséder une statue d'Apollon. L'émoi fut grand lorsque les chefs du peuple apprirent par le messager envoyé à Élis que le grand Phidias était descendu au pays des ombres et que sa cendre avait été enclose dans une urne de poterie grossière, le prodigieux artiste n'ayant pas laissé les quelques pièces d'argent nécessaires pour payer une urne d'airain et un bloc de marbre. À quel statuaire, à quel nouveau Phidias allait-on demander de créer un dieu? « Nous avons un sculpteur à Thèbes, » dit un des hauts magistrats de la cité, « c'est Caron. » Mais une clameur l'interrompit. Caron était mort depuis un certain nombre de lunes. D'ailleurs, nul n'est devin ni artiste dans son pays. Confier à un enfant du pays la tâche de produire une œuvre d'art, cela dépasse tout ce qu'on peut imaginer d'extravagant. Le moyen, je vous prie, d'admettre le génie d'un artiste qu'on a connu marmot, mal débarbouillé, jouant au disque avec des écuelles et attachant des vessies de porc à la queue des chiens. Et comment le prendre au sérieux quand il est devenu un homme? À le grandir, ne risquerait-on pas de diminuer ses concitoyens? Aussi avait-on reculé tout de suite devant l'idée saugrenue de choisir un statuaire de Thèbes. Et si le nom de Caron avait été prononcé, c'est que le généreux donateur du bloc de marbre d'où Phébus Apollon devait sortir avait expressément indiqué dans son testament que l'œuvre serait confiée au ciseau de Caron. Ainsi donc, il aurait pu dépendre du caprice d'un testateur qu'un statuaire thébain reçût dans son propre pays la commande d'une œuvre importante. Comment s'y résoudre? On avait attendu. Le temps est un grand maître. Caron avait fini par mourir et tout était rentré dans l'ordre. Le haut magistrat qui avait prononcé le nom de Caron insista en disant « Puisque Caron est mort, prenons son successeur. » La proposition était insidieuse car ce statuaire avait formé toute une pléiade d'élèves dont trois étaient devenus des maîtres. C'était Grégorios, Lycandros et Loestès. Lequel choisir ? Grégorios et Loestès, sans oublier Thèbes, ses bois sacrés, ses montagnes et tout le charme du pays natal, avaient fixé leur séjour à Athènes, où ils avaient continué les travaux de leur maître Phidias. Ils y étaient honorés et gagnaient un peu d'argent pour vivre grâce à quelques marchands de Corinthe qui venaient leur acheter les statuettes de marbre, d'ivoire et d'airain et les médailles d'or et d'argent qu'ils exécutaient. Mais Lycandros n'avait jamais pu se résoudre à quitter la maison familiale et à se séparer des vieux parents et des amis au milieu desquels il vivait. Il lui semblait qu'il était impossible de respirer un autre air que la brise parfumée des montagnes thébaines. Il habitait modestement un petit logis voisin des vieux remparts, et vivait de quelques menus travaux de ciselure et de sculpture, rêvant de grandes œuvres, les esquissant, les ébauchant, et toujours espérant la belle commande qui ne venait jamais. Était-ce lui qu'on allait choisir pour tailler dans le bloc de marbre la statue d'Apollon? Cela semblait logique. Les deux autres, Grégorios et Loestès, s'étaient bannis d'eux-mêmes. Thèbes ne voulait plus connaître ceux qui n'habitaient pas dans l'enceinte de ses vieilles murailles. Mais contre Lycandros, on ne pouvait même pas alléguer cette mauvaise raison. Il était resté citoyen de Thèbes et si parfois il avait fait à pied ou à dos de mulet le voyage d'Athènes, c'était pour aller contempler les œuvres nouvelles des grands statuaires et puiser l'inspiration aux sources les plus pures. Les mauvaises langues ne manquaient pas de dire que, parti pour Athènes, il bifurquait vers Corinthe, où les modèles ne manquaient pas, car le marché des esclaves y était toujours copieusement pourvu de jolies filles de tous les pays. Corinthe, ville de renom, comptait plus de prêtresses d'Aphrodite que de maisons. Malheur aux artistes qui s'y attardaient. La déesse les prenait tout entiers. Ils étaient perdus pour l'art. Lycandros laissait dire, et au lieu d'aller à Leuctre et de suivre le rivage de la mer jusqu'à Corinthe, il franchissait les gorges de Kithéron, traversait le Céphisagué et arrivait à Athènes où il étudiait les secrets de son art en contemplant les chefs-d'œuvre. Et quand il rentrait à Thèbes, il se sentait grandi chaque fois et capable de surpasser ses meilleurs travaux. Il avait rêvé de sculpter dans le marbre la statue d'Apollon, et puis, comme les années passaient, il s'était résigné. Sans doute le destin ne voulait pas permettre qu'un statuaire de Thèbes exécutât l'image de Dieu. « Les chefs du peuple attendront, » disait Lycandros, « ils attendront toujours. Je finirai par mourir comme mon maître Caron. Les ciseaux de la parque n'épargneront pas le fil de mon existence. Alors, quand je ne serai plus, on choisira un statuaire étranger. Je n'aurai pas la consolation d'avoir embelli ma ville natale et de laisser à mes concitoyens et à leurs descendants une œuvre digne de moi. » Certes, Lycandros, s'il avait été habile, aurait sollicité, flatté, courtisé les chefs du peuple. Mais il était fier, et son corps n'était point habité par une âme de mendiant. Tandis qu'il travaillait à ciseler sur une coupe un chèvre-pied, ravisseur de nymphes, le grand prêtre d'Apollon intriguait sournoisement pour faire exécuter la statue par un parent qu'il protégeait. Il avait donc fait venir de Mégare son cousin Périphas, excellent homme que l'art avait séduit dans les folles années de jeunesse, mais qui, doué de sens pratique et d'instinct commercial, avait délaissé bien vite les hautes conceptions du rêve pour les médiocres réalités. Périphas avait constaté que les œuvres d'art n'attirent pas la foule des acheteurs, tandis que les jouets d'enfants sont une marchandise dont la vente est facile. Il avait eu un beau jour une idée géniale, c'était de sculpter des chevaux de bois. Le cheval de bois était resté un souvenir vénéré de tous les peuples de l'Hellade. C'est dans les flancs du cheval de bois qu'Ulysse et ses guerriers blottis s'étaient laissés traîner et enfermés dans les murs de Troie. Ils avaient attendu l'obscurité du soir pour sauter hors des flancs du cheval, égorger quelques gardes et ouvrir une porte à l'armée d'Agamemnon. Alors, leur torche avait allumé l'incendie éclairant cette nuit sinistre où la cité des Priamides fut détruite par le fer et par le feu. Tout l'orgueil national, tous les souvenirs de la suprême victoire, couronnant les 10 années sanglantes du siège de Troie, tenaient dans ce symbole, le cheval de bois. Et Périphas s'était mis à sculpter des chevaux de bois. Son succès avait commencé à Mégare. À Thèbes, il devint énorme. Comme les historiens et les poètes n'ont jamais été d'accord sur la couleur exacte du cheval dont les flancs avaient caché Ulysse et ses guerriers, Périphas avait peint ses chevaux de bois de toutes les couleurs. Les uns étaient verts comme l'espoir des premières pousses du printemps, les autres bleus comme le ciel d'été, ou rouges comme la lance d'Ajax, ou jaunes comme le célèbre panache du roi Ménélas. Parfois ils étaient bariolés, rayés, pointillés, quadrillés. Bientôt un vieil athlète, montreur d'ours et de singes savants, imagina un nouveau jeu plus compliqué. C'était autour d'un haut pivot mobile, un vaste cercle de chevaux de bois suspendus, sur lesquels grimpaient les petits enfants. Un mulet faisait tourner le pivot central et tout le cercle des chevaux de bois montés par leurs jeunes cavaliers tournait, tournait à la grande joie des enfants, des nourrices et des mères de famille. La plus humble cité voulut posséder son manège de chevaux de bois. Les commandes affluèrent à ce point que Périphas dut renoncer à tout autre genre de sculpture. C'est par douzaines, puis par centaines, puis par milliers qu'il fabriquait. Il dut se borner à diriger les travaux dans les grands ateliers où, sous ses ordres, ses nombreux ouvriers rabotaient, sculptaient, ajustaient et chevillaient. Il en fut excédé. C'était la fortune, ce n'était pas la gloire. Et parfois, il regrettait la misère de l'artiste, créant quelques merveilles sans espoir de trouver jamais un acheteur. Il lui fallut se résigner à demeurer la proie de ses propres succès. Il en rêvait la nuit. Il était obsédé de cauchemars dans lesquels il finissait toujours par subir un sort effroyable. Il était dévoré vivant par ses chevaux, Alors il s'éveillait en sursaut, effaré et tout couvert de sueur froide. Quand les chefs du peuple, conduits par le grand prêtre, vinrent lui proposer la tâche d'exécuter la statue du dieu, Périphase fut pénétré de joie. Il allait créer une grande œuvre, lui. Il taillerait et il érigerait au seuil du temple l'image de Phébus Apollon. Après tant de besognes commerciales, il s'enfermerait dans son atelier et là, tout plein du souffle divin, tout brûlant de la fièvre créatrice, il ferait pour le dieu de Thèbes ce que Phidias avait fait pour la déesse d'Athènes. Hélas, la joie des uns est presque toujours faite des malheurs des autres. Lycandros était désespéré. Il fallait perdre toute espérance devant le choix des chefs du peuple, et sans cesse il murmurait « Je me croyais si bien le seul statuaire de la cité, et voici qu'on me préfère un fabricant de chevaux de bois. » Il contemplait tristement toutes les ébauches qu'il avait déjà préparées, et dont plusieurs étaient empreintes de ce charme et de cette puissance qui annonce l'apparition d'un chef-d'œuvre. À quoi bon tant d'efforts ? Jamais, jamais aucun de ces projets ne devait être réalisé. Il ne restait plus qu'une toute petite difficulté à régler pour que le choix de Périphase fût définitivement arrêté par le Grand Conseil. Il fallait respecter le vœu du testateur, au moins en apparence. Et d'ailleurs, le haut magistrat, qui tout d'abord avait proposé Caron, insistait pour faire désigner un des successeurs artistiques de Caron défunt, c'est-à-dire un de ses trois élèves, Grégorios, Lycandros ou Loestès. Or, il risquait d'entraîner par ses arguments quelques-uns des chefs du peuple. Le grand prêtre d'Apollon flaira le danger, et dès la réunion du conseil, aussitôt après l'invocation à la divinité, il se leva, exposa la question, et ajouta simplement avec toute l'autorité de sa voix grave « Le vrai, le seul successeur de Caron, c'est Périphase. Il a pris la suite de sa location et il a toujours exactement payé son terme au propriétaire. Il est donc bien son successeur et aussi son successeur artistique, étant artiste lui-même. » L'argument absolument idiot rallia tous les suffrages. Chose bizarre, ce n'était même pas Périphase qui habitait la maison où Caron avait vécu. Il avait simplement loué, pour y peindre ses chevaux de bois, une des dépendances de ce modeste logis. Et il n'occupait que le hangar où le vieux sculpteur Caron en avait été réduit à faire lui-même sa lessive. Périphase, définitivement choisi, se mit au travail avec une belle ardeur. Il essayait d'ébaucher un dieu. Mais il ne tarda guère à s'apercevoir qu'à force de fabriquer des chevaux de bois, il était devenu incapable de sculpter autre chose. Il s'obstina, et quand il eut modelé enfin un projet moins informe que les autres, il appela son meilleur ouvrier bien connu par sa rude franchise, et lui désignant la maquette, il dit « Reconnais-tu Phébus Apollon ? Que penses-tu de cette ébauche ? Le mouvement est-il heureux ?»« Je pense, répondit l'ouvrier, que le dieu a une tête de cheval et qu'il a l'air de caracoler. » Périphase, consterné, regarda longuement son œuvre. Il fallut bien se rendre à l'évidence. Malgré lui, l'habitude l'avait ramené à son sujet familier, le cheval. Quand son esprit voulait créer un dieu, sa main exécutait des chevaux. Et de cette lutte contre l'esprit qui commande et la main qui agit, il sortait des créations qui n'étaient ni des dieux, ni des hommes, ni des chevaux. Il lutta 6 mois, mais il finit par s'avouer vaincu. Alors, il alla trouver le grand prêtre pour lui confier son embarras. Ce pontife se gratta l'oreille, leva les yeux au ciel, puis les abaissa vers la terre, caressa son nez qui était long et son menton qui était pointu. Il réfléchit longuement, mais pas une minute, il ne songea à faire appel au talent de Lycandros. Soudain, il s'écria « J'ai trouvé, j'ai une idée. Apollon lui-même vient de m'inspirer. Tu représenteras le dieu à cheval. Tu le camperas sur Pégase, le cheval divin aux ailes d'oiseau. Tu vas ébaucher un très grand Pégase à qui tu donneras pour cavalier un tout petit Apollon. » Ce qui fut dit fut fait. Périphase accoucha d'un énorme Pégase, agrandissement banal de tous les chevaux de bois qu'il avait sculptés pendant sa vie laborieuse. Il lui ajouta 2 ailes de canard démesurément déployées. Entre les 2 ailes, il installa à califourchon un petit Apollon ayant une face de cheval, une croupe d'âne et un poitrail de mulet. Une telle image du dieu aurait été bizarre si on avait pu l'apercevoir, mais on la devinait plus qu'on ne la voyait, car de face, elle était cachée par la tête de Pégase, des 2 côtés par les ailes et derrière par la queue. C'est ainsi que la statue d'Apollon, dieu du soleil, coryphée des muses et maître des arts, fut sculpté dans Thèbes, en Béotie, par un fabricant de chevaux de bois. Ainsi s'achève la statue d'Apollon par Paul Sonnies.